8h-11h, Happy Morning, en direct avec Séverine. Salut, c'est Happy Séverine. Retrouvez-moi tous les matins dans Happy Morning, du lundi au vendredi de 8h à 11h en Happy Direct, avec du Happy Son Pop Rock. C'est sur la Happy Radio Oxygène FM en Ariège. Oxygène FM 94.2.